à ces quelques exemples, montrant la présence du latin chez les scientifiques européens, ajoutons également quelques exemples pris chez les littéraires et les philosophes. Au XIXe siècle, des poètes populaires, tels Victor Hugo, n'ont pas hésité à employer des titres ou des sous-titres latins dans leurs œuvres. Les moins jeunes d'entre nous se souviennent sans doute de l'admirable Océano Nox, Nuit sur l'océan, publié en 1840 dans Les rayons et les ombres. Et plus nombreux encore sont ceux qui, sans en connaître la source, citent le dernier vers du dernier livre des châtiments, œuvre de résistance à Napoléon III, publié en 1853. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Or, le titre du cinglant poème d'où ce vers est extrait est en latin. Ultima verba, dernière parole, ultima verba. Charles Baudelaire est allé encore plus loin que Victor Hugo dans l'emploi du latin. Dans ses Fleurs du Mal, en effet, non seulement il a donné le titre latin à cinq de ses poèmes, mais l'un d'eux est entièrement écrit en latin. Et dans une note manuscrite, ajoutée à ce poème de 33 vers rimés, Baudelaire déplore que la langue latine soit tombée en désuétude. Il écrit en 1857, car, ajoute-t-il, c'est une merveilleuse langue. Rappelons-nous aussi que jusqu'au début du XXe siècle, de nombreuses thèses d'universitaires français, tels Bergson ou Jaurès, étaient toujours rédigées en latin. En 1926, Reginald Appleton, un universitaire anglais, a publié à Oxford, Noctuinus, un recueil de 10 sénettes écrites dans le latin le plus classique et parfois illustré. Ce même universitaire avait publié en anglais, 10 ans auparavant, deux manuels d'initiation au latin, Initium, donc le commencement, et Puer Romanus, un garçon romain. Et ces deux ouvrages, réédités en 2010 et 2014, sont bien la preuve que le latin a toujours un public. En 1981, c'est encore au latin que nous renvoie avec poésie Jean-Jacques Goldman à la fin de chacun de ses refrains d'Il suffira d'un signe. C'est écrit dans nos livres en latin. Un an plus tard, un sociologue russe inventait, mais de façon ironique, sur le modèle de l'Homo sapiens, l'Homo sovieticus, repris en 2013 par la journaliste biélorusse Svetlana Alexievitch dans son monumental « La fin de l'homme rouge » qui obtint de nombreux prix, dont le prix Nobel de littérature en 2015.